Quand elle fut en toilette de nuit, elle se glissa dans son lit, et ses draps, un peu frais, faisant frissonner sa peau, augmentèrent cette sensation de froid, de solitude, de tristesse qui lui pesait sur l'âme depuis 2 heures. Rosalie s'enfuit, toujours sanglotant, et Jeanne attendit. Elle attendit, anxieuse, le cœur crispé, ce je ne sais quoi, deviné et annoncé en termes confus par son père, cette révélation mystérieuse de ce qui est le grand secret de l'amour. Sans qu'elle eût entendu monter l'escalier, on frappa 3 coups légers contre sa porte. Elle tressaillit horriblement et ne répondit point. On frappa de nouveau, puis la serrure grinça. Elle se cacha la tête sous ses couvertures, comme si un voleur eût pénétré chez elle. Des bottines craquèrent doucement sur le parquet, et soudain, on toucha son lit. Elle eut un sursaut nerveux et poussa un petit cri. Et, dégageant sa tête, elle vit Julien, debout devant elle, qui souriait en la regardant. « Oh, que vous m'avez fait peur !» dit-elle. Il reprit. « Vous ne m'attendiez donc point ?» Elle ne répondit pas. Il était en grande toilette, avec sa figure grave de beau garçon, et elle se sentit affreusement honteuse d'être couchée ainsi devant cet homme si correct. Il ne savait plus que dire, que faire, n'osant même pas se regarder à cette heure sérieuse et décisive d'où dépend l'intime bonheur de toute la vie. Il sentait vaguement, peut-être, quel danger offre cette bataille, et quelle souple possession de soi, quelle rusée tendresse il faut pour ne froisser aucune des subtiles pudeurs, des infinies délicatesses d'une âme virginale et nourrie de rêves. Alors, doucement, il lui prit la main qu'il baisa, et, s'agenouillant auprès du lit, comme devant un autel, il murmura, d'une voix aussi légère qu'un souffle, « Voudrez-vous m'aimer ?» Elle, rassurée tout à coup, souleva sur l'oreiller sa tête ennuagée de dentelle, et elle sourit. « Je vous aime déjà, mon ami. » Il mit en sa bouche les petits doigts fins de sa femme, et, la voix changée par ce bâillon de chair, « Voulez-vous me prouver que vous m'aimez ?» Elle répondit, troublée de nouveau, sans bien comprendre ce qu'elle disait, sous le souvenir des paroles de son père. « Je suis à vous, mon ami. » Il couvrit son poignet de baisers mouillés, et, se redressant lentement, il approchait de son visage qu'elle recommençait à cacher. Soudain, jetant un bras en avant par-dessus le lit, il enlaça sa femme à travers les draps, tandis que glissant son autre bras sous l'oreiller, il le soulevait avec la tête, et, tout bas, il demanda « Alors, vous voulez bien me faire une petite place à côté de vous ?» Elle eut peur, une peur d'instinct, et balbutia « Oh, pas encore, je vous en prie. » Il sembla désappointé, un peu froissé, et il reprit, d'un ton toujours suppliant, mais plus brusque « Pourquoi plus tard, puisque nous finirons toujours par là ?» Elle lui en voulut de ce mot. Mais, soumise et résignée, elle répéta pour la 2e fois « Je suis à vous, mon ami. » Alors, il disparut bien vite dans le cabinet de toilette, et elle entendait distinctement ses mouvements, avec des froissements d'habits défaits, un bruit d'argent dans la poche, la chute successive des bottines.